Le comité de lutte de Cheonsongju contre la disposition d'Assad, le comité de mesure des citadins de Kimcheon contre la disposition d'Assad et le comité de mesure extraordinaire pour la terre sacrée de Songju du bouddhisme Won ont tenu le 16 à la commune de Seosong, canton de Cheonsong, de l'arrondissement de Songju à la province du Gyeongsang du Nord, le rassemblement contre la mesure de disposition forcée de l'armement américain par les autorités sud-coréennes.